ça dépend de l'origine. Le racisme, la terreur sont des mauvaises frangines. Du parti de l'extrême au parti des oiseaux. C'est l'amour et la haine, la mort dans le caniveau. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán. Sous les crânes rasés, la fureur animale. C'est un front national ou un sida mental. C'est un jour qui se lève, c'est un autre horizon. J'entends les bruits de bottes du côté de Toulon. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán. Ils rayent de leur mémoire ceux qui sont basanés. Ils cassent du noir comme on s'en va pisser. Le dimanche à la messe, ils savent que Dieu est blanc. Ils confessent leurs crimes et ils pèsent en rotant. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán. En Vendée, Monseigneur s'inspire de Mein Kampf. Il nous joue l'arnaqueur sous forme d'arrogance. Les baisers, comptez-vous, c'est ceux qui vont voter. On se met à genoux pour voir le roi passer. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán. Ça dépend de la couleur, ça dépend de l'origine. Le racisme, la terreur sont des mauvaises frangines. Du parti de l'extrême au parti des oiseaux. C'est l'amour et la haine, la mort dans le caniveau. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán. Oh libertad, no pasarán.